L'antiterrorisme nous protège-t-il vraiment? Et en fait, on n'est pas là pour vous parler dans une optique purement sécuritaire, comment se protéger du terrorisme, mais plutôt pour parler de qu'est-ce que ça veut dire la menace terroriste. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que notre société risque d'être submergée par les terroristes, à moins qu'on ne renonce à une grande partie de nos libertés et qu'on fasse toute confiance à la police politique, parce qu'on a le DGSI, toutes les lois antiterroristes, etc. Et nous, on ne le pense pas, clairement, et on va vous dire pourquoi. Cette présentation, elle est basée sur une BD qui s'appelle La 7ème Arme. C'est une autre histoire de la République. Et en fait, c'est une histoire de l'antiterrorisme en gros, de 1950, où ce qu'on appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire, qui est la doctrine présente de l'antiterrorisme en France, apparaît en Indochine contre les Viet Minh communistes, qui va aussi dicter ce que fait la France en Algérie. Donc ce qu'a fait la France en Algérie pendant la guerre d'Algérie, c'est plutôt le bad, hein, on aura l'occasion d'en reparler. C'est aussi une doctrine qui a inspiré toutes les dictatures en Amérique latine dans les années 70. Donc peut-être vous avez entendu parler du Chili de Pinochet, la dictature au Brésil, de la dictature argentine, où il y a 30 000 militants de gauche et opposants qui disparaissent. Bonsoir. C'est aussi cette doctrine-là qui guide l'antiterrorisme depuis 2001. Donc 2001, le 11 septembre. La guerre contre le terrorisme, et c'est une logique qui justifie les interventions en Irak, les interventions américaines en Irak, en Libye, en Afghanistan, etc. Et du coup, bon, on a malheureusement qu'un seul exemplaire de la BD, mais si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est cool. Enfin, vous ne pourrez pas la lire clairement pour la présentation, mais si vous voulez... Voilà. Et du coup, on va poser plusieurs questions pour essayer de déconstruire, ou plutôt de critiquer, la question de l'antiterrorisme est là pour nous protéger. Déjà, la première chose, c'est quand on voit le discours sur le terrorisme, le discours dominant, il est clair, pour les médias, pour quasiment tous les partis politiques, il y a une guerre en cours. Et cette guerre, elle oppose les démocraties occidentales, d'un côté, et de l'autre, le terrorisme islamique, puisque le terrorisme d'extrême droite, et on s'en fout un peu. Et en gros, les terroristes, ils voudraient établir un califat mondial en frappant de manière indiscriminée les populations civiles en Afrique, au Moyen-Orient, mais aussi en Europe. Donc par exemple, les attentats du Bataclan, donc vous pouvez ne pas en connaître l'existence. Et en gros, face à ça, la solution est simple. Il faut des offensives militaires, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique par exemple. Donc intervention en Irak, intervention en Syrie, je rappelle que c'est peut-être pas très connu, mais la France a des troupes en Syrie, au Niger, au Mali, où la France coordonne aussi l'opération Barkhane, si je dis pas de conneries, et a un paquet de troupes qui protègent les fournitures d'uranium de l'industrie nucléaire française sous couverture d'antiterrorisme. Et en gros, le consensus qui justifie ces interventions impérialistes, c'est la lutte contre la menace terroriste. Donc cette lutte contre le terrorisme, c'est une justification à l'extérieur à l'impérialisme français, mais surtout à l'impérialisme américain aussi. Mais ça sert aussi comme prétexte à un durcissement autoritaire sans précédent en Europe, donc que ce soit en Turquie, mais aussi en France. Donc je rappelle qu'il y a eu l'état d'urgence, tu en reparleras après. Mais l'état d'urgence, ça a été en gros la suspension d'un gros paquet de libertés de la démocratie bourgeoise qui déjà n'en contient pas tant que ça. Où en gros l'État peut faire à peu près ce qu'il veut, bon, histoire de fiches S, d'internement administratif, d'assignation à résidence, etc. Et du coup, la première question, c'est, on parle de la guerre contre le terrorisme. Mais quand on parle de guerre en général, on parle de guerre entre États. C'est-à-dire qu'il y a des armées qui s'affrontent et il y a la perspective qu'il y ait des gens qui gagnent ou qui perdent la guerre. Sauf que quand on réfléchit, par exemple, la guerre contre le communisme, la guerre froide, il y avait l'URSS, qui avait l'arme atomique, des armées avec des millions de soldats, l'Europe de l'Est qui était occupée par l'URSS, des partis communistes qui comptaient des centaines de milliers de personnes en France, en Italie, dans les pays d'Europe occidentale. et les pays occidentaux n'étaient pas du tout sûrs de gagner en cas de confrontation armée. Est-ce que c'est le cas en ce qui concerne l'islamisme qui serait l'ennemi de l'Occident ? En fait, pas du tout. Al-Qaïda, c'est une nébuleuse qui est présente dans plusieurs pays, mais dont les effectifs sont faibles. C'est des centaines de personnes, des milliers au mieux. De même, l'État islamique, à son apogée, n'avait quelques dizaines de milliers de combattants et pas de matériel lourd. C'est-à-dire que, en fait, dans la guerre contre le terrorisme ne peut pas gagner contre les États occidentaux, militairement. Ils n'ont aucune perspective de battre un jour en France, d'envahir la France par un califat, c'est ce que dit l'extrême droite, mais il n'y a aucune perspective de victoire militaire. Il n'y a pas non plus de guérilla en Irak et en Syrie. Oui, il y a une guérilla de l'État islamique, mais ailleurs, il n'y a pas de guérilla qui menace, entre guillemets, il n'y a pas de guérilla islamiste dans les cités, comme pourrait le faire croire, enfin, essaye de le faire croire à l'extrême droite. Il n'y a pas de perspective de victoire militaire du terrorisme. Et déjà, c'est un peu étrange quand on parle de guerre, où dans le cadre d'une guerre, on est face à un ennemi qui ne peut pas gagner, ne compte pas gagner, et ne gagnera pas. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Il faut voir que c'est la stratégie d'attentat, en fait, qui fonctionne. C'est-à-dire qu'en Afrique, au Moyen-Orient, on en parle très peu, mais il y a beaucoup d'attentats islamistes sanglants. Des attentats qui sont multipliés, des attentats de Barcelone, de Manchester, de Londres, de Berlin, de Bruxelles, de Paris, sans compter les milliers de victimes au Moyen-Orient. Et en France, par exemple, la plupart de ces attentats, ils sont commis par des petits groupes de personnes ou des personnes isolées qui sont plutôt dans un... Même s'ils tuent des gens, ils sont dans un amateurisme. Les liens de ces personnes avec l'État islamique, à l'exception du réseau de Bruxelles qui fait des attentats, du Bataclan, c'est des liens qui sont faibles, voire inexistants, c'est-à-dire au mieux un contact par Internet, une vidéo de revendication. Voilà. Ça veut dire que c'est... Enfin, c'est pas... Enfin, c'est quelque chose qui est horrible humainement. C'est des scènes de massacre qui sont totalement injustifiables, avec un état, un impact qui est aussi très fort sur l'opinion publique. C'est un impact qui est d'autant plus fort que les médias, qui sont en quête d'audience, ils adorent les mettre en scène parce que ça leur garantit de l'audience et ça leur garantit, entre guillemets, de la pub. Ces attaques qui sèment la peur, la méfiance dans la population, c'est-à-dire que les gens ils ont peur de pouvoir être frappés n'importe quand par ces attentats. Ça apporte aussi de l'eau au moulin de l'extrême droite, parce que ça attire la haine contre les musulmans ou les personnes qui sont perçues comme telles. Et ça a un impact qui est extrêmement choquant et spectaculaire. Pour autant, ces attentats, ils n'ont aucune chance absolument que l'État islamique gagne la guerre contre l'Occident. Il n'y a pas de perspective de victoire au travers de cette politique de terreur. Au-delà de ça, les États-Unis sont au Moyen-Orient pour une seule raison, c'est pour contrôler le pétrole. Et quand bien même il y aurait des centaines d'attentats qui se multiplieraient en France et aux États-Unis, les États-Unis contrôlent une grosse partie de la péninsule arabique, ils ont pris pied en Irak, ils ont des troupes en Syrie, ils garantissent leur approvisionnement, ils tiennent la mer Rouge aussi qui leur permet de faire passer le pétrole. Et quand bien même il y aurait des milliers d'attentats, les États-Unis, s'ils n'ont plus de pétrole, l'Occident, s'il n'a plus de pétrole, ils meurent, c'est fini. Et il n'y a quasiment aucune chance que la première puissance mondiale abandonne la position qui assure l'accès au pétrole mondial. C'est-à-dire que, entre guillemets, ces attentats n'ont aucune chance de réussite. Les États, c'est des monstres froids, et ils peuvent sacrifier d'énormes proportions de la population civile pour garantir leurs intérêts géostratégiques. Et on le voit, les États occidentaux, ils sont pas prêts à passer aux énergies renouvelables pour ne plus être dépendants au pétrole. Donc quoi qu'il arrive, quand bien même ces attentats se multiplieraient, les États-Unis, les Occidentaux, ils resteraient au Moyen-Orient. Donc, en gros, ça veut dire que ces attentats, ils n'offrent pas de perspective de victoire aux islamistes, dans le sens où ils ne ciblent pas l'armée, ils ne menacent pas la production économique, ils ne menacent pas les flux de pétrole. Ils n'ont pas de réels appuis non plus en Europe. Il n'y a que l'extrême droite qui dit ça, mais parmi les gens qui sont de confession musulmane ou perçus comme tels, il n'y a pas un appui massif vis-à-vis de Daesh, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt une condamnation massive. Et en fait, ça veut dire que cette guerre, c'est une guerre que le terrorisme, entre guillemets, ne peut pas gagner. il ne peut pas battre les armées occidentales ni conquérir des territoires conséquents. C'est aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi une guerre que les pays occidentaux ils ne peuvent jamais tout à fait gagner, parce que même si l'État islamique y perd ses bases territoriales, comme c'est le cas maintenant, il suffira de quelques attaques pour que la guerre contre le terrorisme continue. C'est-à-dire que ça pose, entre guillemets, une drôle de guerre, où d'un côté, les Occidentaux font face à un ennemi qui ne peut pas gagner, qui n'a pas de perspective de victoire, il ne peut pas non plus, même pas menacer les intérêts géostratégiques de l'impérialisme occidental, elle peut ni être gagnée, ni gagnée, ni perdue, elle ne menace pas les intérêts vitaux de l'Occident, et ça fait penser un peu à ceux et celles qui ont eu l'occasion de lire 1984 de Orwell. Il y a une espèce de guerre éternelle qui justifie le maintien de l'ordre dans les pays, dans l'espèce d'empire sous Orwell. Mais au final, cette guerre, elle remet pas du tout en cause l'existence des pays où il y a la guerre. C'est juste un état de guerre permanent. Et ça, on le voit d'autant plus que quand on voit la réelle politique qui est menée par les États occidentaux, il y a d'énormes ambiguïtés en fait. C'est-à-dire que, soi-disant, on est en guerre contre Al-Qaïda et contre l'État islamique, sauf que quand on voit la politique étrangère américaine, surtout parce qu'au Moyen-Orient, c'est principalement les Américains qui mènent la politique étrangère, il y a une attitude qui est ambivalente, voire trouble, vis-à-vis des groupes djihadistes. Donc on ne va pas refaire toute cette histoire, parce que ça pourrait prendre très longtemps, et c'est une histoire de relations internationales, mais il ne faut pas oublier que c'est l'Arabie Saoudite et les États-Unis qui mettent sur pied les premiers réseaux djihadistes internationaux, ils sont mis en place par ces États-là. Donc c'est pour lutter contre l'URSS. Vous savez que l'URSS envahit l'Afghanistan, je ne dis pas de conneries, en 78. Il y a 10 ans de guerre. Et en gros, les talibans, donc, qui sont les ancêtres de Al-Qaïda, et les réseaux qui sont les ancêtres d'Al-Qaïda, ils sont financés par l'Occident. Et ce qui est marrant, c'est que les talibans, donc qui est un peu l'ennemi absolu maintenant, en Afghanistan, c'est les combattants de la liberté. Et ça se voit, si vous aimez un peu les films d'action américains des années 80, c'est assez marrant, parce que par exemple, si vous voyez le Rambo 2, Sylvester Stallone, il incarne un Rambo avec les talibans, qui combat contre les soviétiques, et à la fin, le film il se finit par une émouvante dédicace pour les combattants de la liberté. Pareil, le James Bond des années 80, avec Timothy Dalton, qui s'appelle The Living Daylights, en anglais, je ne me rappelle plus le titre en français, il se bat aux côtés des talibans, et donc il se bat contre les soviétiques, après il trafique de l'opium qu'il ramène aux États-Unis pour financer la guerre des talibans, c'est assez marrant. Et à la fin, il y a l'héroïne russe qui est l'amante de James Bond, qui joue au Philharmonique de New York, et là il y a des talibans qui arrivent, qui ont pris l'avion, avec leurs AK-47, des grenades et des lance-roquettes, et ils arrivent au Philharmonique pour soutenir l'héroïne. Et ils font bon, ils nous ont un peu emmerdés au contrôle de l'aéroport et ça fait rire tout le monde. Quand on voit l'histoire du 2001, le 11 septembre, c'est assez paradoxal. Voilà, donc Al-Qaïda de même est fondée dans les années 80 avec l'appui des services secrets saoudiens, la bénédiction de la CIA. Et c'est que à partir de la guerre du Golfe que Al-Qaïda se retourne contre les USA. Et en Syrie, de même si on regarde le conflit syrien qui éclate en 2011... Il y a un peu la même complexité, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une guerre contre les islamistes, etc. Mais il y a une révolution qui éclate, une répression sanglante par Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, immédiatement, libère tous les islamistes de prison. Il y avait plusieurs milliers de prisonniers politiques islamistes qui sont libérés par Bachar al-Assad au début de l'insurrection, et très rapidement, il s'implique dans l'insurrection. Sauf que les pouvoirs occidentaux, ils disent... Là, en gros, c'est un État qui opprime son peuple, etc. Et il y a des financements qui viennent des puissances européennes, des Américains et des États du Golfe qui sont des alliés des Européens et des Américains. Donc l'armée syrienne libre, qui est censée encadrer les rebelles, est peine à prendre forme. Et tous les djihadistes les plus radicaux, ils reçoivent des armes, de l'argent, des lance-roquettes, et ainsi de suite. Ce qui est assez étonnant. Donc la CIA... Elle ouvre même une base en Turquie pour entraîner les rebelles modérés. De même, on parle des revenants, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui sont partis combattre dans les trucs djihadistes, ils sont partis avant qu'il y ait l'histoire de l'État islamique. Il n'y avait aucune répression à ce moment-là. Et par exemple, en France, c'est qu'après les attentats de 2015, qu'il y a une répression juridique contre les gens qui partent combattre pour Al-Qaïda ou l'État islamique. Voilà, assez rapidement dans la rébellion syrienne contre Bachar al-Assad, les groupes islamistes, ils prennent une place qui est assez prépondérante, hein, notamment Al-Qaïda. Et en gros, ça dérange personne, et y compris encore aujourd'hui. Hein. C'était le Front al-Nusra qui devient le Fatah al-Sham, c'est Al-Qaïda, ça fait partie des rebelles, ils sont soutenus, ils sont toujours soutenus par les chancelleries occidentales, quand bien même elles se disent contre l'islamisme, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, ce qui va faire qu'il y ait une guerre contre l'islamisme qui se déclenche, c'est que les branches syriennes et irakiennes d'Al-Qaïda, elles agissent ensemble. Elles sont soutenues par l'Occident. Et à un moment, il y a un désaccord stratégique. L'État islamique, il veut porter la lutte en dehors de la Syrie. Et ça, c'est un gros désaccord. Il y a une scission. Et Al-Qaïda, d'un côté, devient le Front al-Nusra, dit non, on se contente de combattre Bachar al-Assad. Et de l'autre côté, il y a ce qui devient l'État islamique, qui est Al-Qaïda au pays des deux rivières, qui décide de revenir en fait en Irak et d'envahir l'Irak. Et en fait, c'est à partir de là, à partir de cette scission, que l'Occident va être en guerre contre l'État islamique, parce que l'État islamique, il sort de la Syrie, qui est en gros l'endroit où ils ont le droit d'être, et ils vont en Irak. Ils prennent Mossoul, ils prennent des champs de pétrole, ils mettent en place un État. Et c'est seulement à ce moment-là, après 3 ans de guerre, que l'islamisme radical, ou plutôt l'État islamique, redevient l'ennemi de l'Occident. Et il faut aussi comprendre que sans les armes et l'argent qui est fourni par l'Occident et ses alliés, l'État islamique, il n'aurait jamais pu acquérir une base territoriale aussi large. Et c'est qu'en 2014, avec le siège de Kobané, que ça devient l'ennemi officiel à abattre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au moment du siège de Kobané, donc c'est parti du Rojava, du Kurdistan syrien, on se rend compte, en fait, que l'État islamique, il est financé par la vente de pétrole, que la vente de pétrole, c'est des autoroutes où il y a des camions-citernes qui partent vers la Turquie, qu'ensuite, il y a une espèce de vente de convenances où il y a des changements de certificats, et en gros, le pétrole de l'État islamique, c'est en gros l'essence qui est transformée ensuite en Europe. Et ça, c'est un truc qui met pas mal de temps à être réservé à au moins un an. Et la Turquie continue, même après l'histoire de l'État islamique, de la guerre contre l'islamisme, etc., la Turquie continue à soutenir aussi l'État islamique, jusqu'à ce que ça commence à vraiment foutre le bordel, et que les États, après les attentats du Bataclan, et en 2016 seulement, donc au bout de 5 ans de conflit, la Turquie, qui pourtant est dans l'OTAN, fait partie des États occidentaux, cesse de soutenir l'État islamique. Voilà, donc on pourrait dire qu'on est des complotistes complètement tarés à parler de géopolitique, sauf que les preuves, elles sont trouvées sur des rapports, c'est-à-dire que la plupart des armes légères de l'État islamique, donc de Daesh, elles ont été achetées par les États-Unis en Europe de l'Est, et donc c'est pas nous les gauchistes tarés qui dit ça, c'est une ONG britannique. Donc là, clairement, là on a une preuve en fait... On a une preuve du financement de ces groupes et de l'armement de ces groupes par l'Occident. Donc, qui est pour Al-Qaïda. Donc, Al-Qaïda qui ensuite devient Al-Nusra Fatah al-Sham, qui continue à être allié avec l'Occident. Il n'y a plus d'attentats derrière d'Al-Qaïda. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que ça montre en fait que en Syrie, en fait, il n'y a pas une guerre civilisationnelle entre l'Occident et l'Islam. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a la Russie, il y a Bachar al-Assad, il y a le Hezbollah, il y a les Kurdes, il y a les rebelles syriens modérés qui, en fait, sont des groupes islamistes, il y a l'État islamique, et en fait, l'Occident n'est en guerre qu'avec l'État islamique, tout en soutenant les autres islamistes. C'est-à-dire que la lecture de grille de lecture, guerre contre le terrorisme, etc., en réalité, c'est des conneries, dans le sens où la France et les États-Unis sont alliés à des groupes terroristes. Al-Qaïda, c'est le 11 septembre. Qui sont maintenant soutenus, enfin le 11 septembre, les tours jumelles, etc., qui sont maintenant soutenus par les États-Unis. Donc du coup, ce que ça amène non pas une théorie du complot, parce que ça c'est absolument n'importe quoi, de dire que de dire que c'est un grand complot qui serait manipulé, etc., que la CIA tirait les ficelles. Non. Ça veut dire que dans le cadre de la géopolitique au Moyen-Orient, les intérêts impérialistes, ils agissent par rapport à leurs intérêts. Et leurs intérêts, c'est le pétrole, c'est l'accès à des routes, c'est l'accès à des pipelines. S'il faut s'allier avec Al-Qaïda, ils s'allieront avec Al-Qaïda. S'il faut combattre l'État islamique parce qu'il menace le pétrole en Irak, ils diront que c'est la guerre contre le terrorisme. Mais en réalité, la question, ça sera le pétrole en Irak. Et les conflits au Moyen-Orient ne s'expliquent pas par une guerre de civilisation, ils s'expliquent par l'impérialisme occidental qui veut, entre guillemets, s'assurer juste l'accès au pétrole et à des ressources. Ça, c'est la, je pense, c'est la première chose de déconstruction. La première, c'est qu'il y a une guerre, soi-disant, contre le terrorisme, mais en fait, le terrorisme ne peut pas gagner la guerre. La deuxième, c'est qu'à l'extérieur des frontières, on n'est pas réellement dans ce cadre de guerre contre le terrorisme. Et du coup, ça amène à une question, la question à 1000 euros, c'est pourquoi est-ce qu'en politique intérieure, il y a un antiterrorisme qui affirme ça, qui, avec son cortège de fichiers S, d'incitation à enfermer les fichiers S, multiplier la surveillance, interdire la cryptographie. Enfin, je ne ferai pas le panorama de ça, parce que c'est Pierre qui va en parler, pour critiquer justement les logiques de cet antiterrorisme qui ne correspond ni à la politique étrangère de nos pays, ni à un réel danger guerrier, en fait. Voilà. Du coup, effectivement, tu viens bien d'expliquer l'ambivalence des gouvernements occidentaux vis-à-vis des réseaux islamistes. Et effectivement, il y a des conséquences, cette guerre contre le terrorisme a des conséquences sur la politique intérieure des pays occidentaux. En fait, ça permet effectivement de déchaîner une rhétorique antiterroriste et d'appliquer une avalanche de lois antiterroristes. On pense spécifiquement au Patriot Act aux États-Unis, mais en France plus précisément, ça permet effectivement de donner une légitimité à l'État pour surveiller et ficher la population, mais en général. Mais aussi, ces lois permettent une procédure judiciaire spécifique en matière de terrorisme, c'est-à-dire les gardes à vue prolongées, les assignations à résidence sans jugement, aussi ça permet les témoignages anonymes, tout ce genre de procédure judiciaire spéciale qui encadre le terrorisme. Du coup, on peut se demander effectivement si ces mesures antiterroristes sont particulièrement efficaces pour nous défendre contre le terrorisme. Et du coup, toutes ces techniques d'antiterrorisme englobent particulièrement la surveillance. Du coup, effectivement, c'est des techniques de surveillance qui peuvent sembler efficaces pour encadrer, contrôler des groupes, des réseaux terroristes. Or, on sait que depuis Mohamed Merah, en 2012, en fait, la plupart des actes terroristes ont été faits en fait par des personnes isolées ou des groupes, des petits groupes d'individus. Et du coup, sauf effectivement en 2015, pendant les attentats de Mohamed Merah, pendant les attentats du Bataclan, en novembre 2015, où effectivement c'était un groupe, un réseau qui était à Bruxelles. Et du coup, on peut effectivement s'interroger sur la efficacité des lois françaises en matière de terrorisme, dans la mesure où le réseau est dans un autre pays. Voilà. Il y a aussi effectivement une logique assez perverse dans les lois anti-terroristes en France, tout du moins, c'est qu'effectivement elle est basée sur une technique, sur une idée du pré-crime, ce qu'on pourrait appeler le pré-crime, comme dans le film Minority Report. C'est-à-dire qu'en fait, le but de surveiller les personnes, c'est d'arriver finalement à démontrer que les personnes vont commettre des attentats, et donc effectivement les condamner pour des crimes qu'ils n'ont pas encore commis. Et voilà, ce qui paraît complètement effectivement aberrant. Et cette logique effectivement de prévention des crimes est effectivement un prétexte à la diminution des libertés publiques, comme par exemple la surveillance généralisée d'Internet ou des appels téléphoniques, etc. Du coup, l'antiterrorisme, c'est aussi un prétexte pour suspendre les libertés publiques de manière générale. On pense par exemple aux nombreuses perquisitions administratives qu'il y a eu pendant l'état d'urgence, des perquisitions administratives. On peut aussi effectivement s'interroger, par exemple récemment il y a eu l'histoire de Bure, je pense que tout le monde en a entendu parler, où effectivement l'État a déployé des techniques qui relèvent du grand banditisme ou de l'antiterrorisme pour des manifestants anti-nucléaires, c'est-à-dire surveillance téléphonique, géolocalisation, des balises sur les bagnoles, perquisitions, etc. Et du coup, quand on voit effectivement l'application de ces mesures antiterroristes, entre guillemets, on s'aperçoit que finalement, c'est pas pour lutter contre le terrorisme, c'est effectivement juste un durcissement autoritaire de la démocratie libérale, en fait. En fait, ce qui est assez aussi pernicieux, c'est qu'on se rend compte justement avec cet exemple précis, il y en a d'autres, il y a eu effectivement les assignations à résidence pendant la COP21, c'est-à-dire que en fait, sous le terme de radicalité, de lutte contre la radicalisation, en fait, l'État tend à englober tout ce qui représente, entre guillemets, pour lui, tout ce qui est ennemi de l'État, c'est-à-dire englober, par exemple, des écolos, des militants écologistes, avec des skinheads néo-nazis, des anarchistes et des islamistes radicaux, ce qui, évidemment, est incomparable. Du coup, effectivement, toutes ces méthodes effectivement employées tentent à démontrer qu'effectivement les objectifs de l'État pour la sécurité, enfin pour l'intérieur effectivement n'est pas la lutte contre l'antiterrorisme, mais au contraire effectivement on s'aperçoit que cette logique permet finalement l'utilisation des moyens antiterroristes contre les militants ou contre les opposants de manière générale. Du coup, la logique de la lutte contre le terrorisme permet donc de suspendre toute une série de libertés sans être pour autant efficace dans le but initial, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Et il faut donc justement, effectivement, il faut s'opposer à ça, il faut pas hésiter à le critiquer, et il faut évidemment pas accepter ces lois. Mais effectivement, toutes ces réflexions, individuellement, n'ont pas vraiment d'impact, ce n'est que dans une prise de conscience collective et une mobilisation qu'on pourra effectivement lutter contre cette logique dans l'antiterrorisme.